La moustache, ça vous gagne. La moustache est une excroissance pileuse fort habilement déposée au-dessus, juste au-dessus de la lèvre supérieure des arthropodes mâles et, accessoirement, des anthropoïdes du même sexe. Selon les tempéraments, la moustache peut atteindre des dimensions plus ou moins marquées, en général 2, parfois 3, et dans certains cas jusqu'à 12 ou 13, mais difficilement dans un espace-temps conventionnel. Selon les époques, la moustache, glorieux symbole de la virilité militante et chapelée, a pris des formes très diverses. J'irai jusqu'à dire polymorphe, la moustache. Oui, c'est à ce point. Il va de soi qu'au cours de l'histoire, seuls les plus grands, parmi les grands, et je ne parle pas que des basketteurs, encore que ça ne fait jamais de mal de mesurer 7 pieds de pouce, ont pu agir sans posséder de moustache, et que s'ils en eussent été dotés, ils fussent plus grands encore, au moins 7 pieds 3 pouces, voire davantage. On m'opposera des arguments selon lesquels diverses personnalités illustres, et pas uniquement femelles, se sont fait connaître au cours de l'histoire, toujours elles, comme ne présentant justement aucune pilosité marquée entre le nez et la bouche. Grave erreur! La moustache, c'est avant tout un état d'esprit, et un accessoire très pratique pour occuper les longues soirées d'hiver au coin du feu, tandis que souffle la bise, que bisse le blizzard, et que s'affaire la tempête à entasser des tonnes de neige derrière la porte, pour empêcher qu'on puisse sortir, mais qu'à cela ne tienne, on a l'habitude et on a pensé à garnir le garde-manger avant la venue de l'hiver. Pas si bête. Au cours de l'histoire, décidément bien sollicitée, la pauvre, on a pu observer de nombreux personnages illustres rendre un vibrant hommage à la moustache, et elle le mérite. Je pense notamment à la moustache magique du célèbre romancier teuton Thomas Munch, ou de la moustache de l'âme de son collègue cynique mais bien vivant, Mao Xingjian. J'en passe et des moins intéressants, normal, ils sont moins intéressants.